Les nuits de France Culture continuent. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin pour cette nuit consacrée aux ruines. Et on va quitter les ruines des peintures du Louvre et des tableaux d'Hubert Robert pour s'intéresser à des ruines plus contemporaines avec une invitée. Bonjour Diane Scott. Bonjour. Alors vous êtes critique, chercheuse et psychanalyste, rédactrice en chef de la revue Incise, la revue du théâtre de Gennevilliers. Et vous avez publié cette année un ouvrage très érudit intitulé « Ruines, invention d'un objet critique » publié aux éditions Amsterdam. Alors c'est un ouvrage qui donne l'occasion de faire quelques grandes traversées, hein, de l'histoire des idées à l'histoire de l'art, de concepts psychanalytiques à des considérations plus politiques. On va en parler dans cette demi-heure en votre compagnie. Ma première question, alors comment arrive-t-on à s'intéresser aux ruines comme objet critique, comme le dit le sous-titre de votre livre? Pour le dire autrement, à quel moment et de quelle manière avez-vous appréhendé cet objet comme un élément central pour comprendre notre époque? En fait, quel était le point de départ de cette réflexion pour vous? Alors oui, vous avez raison, c'est assez déterminant la manière dont je suis arrivée à la ruine. C'est déterminant parce que je me suis retrouvée en tant que critique dans un moment d'impasse, en fait, dans mon travail, autour de la question de ce que ça voulait dire voir. C'est-à-dire que j'ai pratiqué la critique dramatique avec donc un objet électif qui était le spectacle vivant, avec le spectacle vivant dans le théâtre public en particulier, pendant plus de 15 ans. Et à un moment donné, je me suis retrouvée face à quelque chose qui s'était épuisé dans mon désir d'écrire. Et c'était assez paradoxal, en fait, dans la mesure où c'est parce que la méthode que je m'étais donnée pour voir, justement, les spectacles, elle marchait trop bien, d'une certaine manière. Et quand on sait d'avance, finalement, ce qu'on va voir, ben, il n'y a plus de nécessité à le faire. Alors cette manière de voir, je la tenais d'une lecture un peu originelle pour moi, un peu séminale, qui est celle de Roland Barthes et des mythologies, dont j'avais déduit intuitivement une espèce de manière de voir qui consistait en fait à voir à travers l'objet. C'est-à-dire qu'un spectacle, je l'analysais en débusquant d'une certaine manière, comme selon une pratique un peu radiographique. Et ça s'accompagne d'une démarche critique. Vous citez effectivement Roland Barthes dans votre ouvrage. C'est pour démystifier un peu notre époque. Absolument. C'est-à-dire que ça procède effectivement d'une critique de l'idéologie qui pose que les objets, d'une certaine manière, ont une dimension d'homogénéité à l'ordre en place et qu'à cet égard, ils sont comptables d'un certain nombre de choses qu'on peut lire. Et donc, cette idée, cette manière de voir, elle consistait à supposer que d'un objet, on peut tout voir. Et partant, à un certain niveau, on peut tout en dire. Je considérais que ce que je voyais, je pouvais tout transférer du côté des énoncés, du discours. Et la ruine, c'est précisément un objet qui a mis ses réflexes idéologiques en déroute. C'est-à-dire que il y a quelque chose dans les ruines que nous nous donnons à voir depuis une trentaine d'années qui résiste au dire, qui fait que cet objet ne se laisse pas détruire par l'analyse idéologique qu'on peut lui adresser et qu'il y a quelque chose qui demeure du côté du visible, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir envie de les voir. Vous parlez d'un désir de ruine, c'est quelque chose qui est vraiment marquant, qui caractériserait notre époque? C'est l'hypothèse que je fais. Et c'est ce que les objets confirment d'une certaine manière, puisque Détroit, l'île de Hashima, les usines désaffectées, les palais en déshérence dont un certain nombre de gens, d'explorateurs urbains, produisent des albums et les diffusent numériquement, voire en faisant des livres. Cette ruine-là, elle est partout. Et elle est non seulement partout, mais depuis plus de 30 ans, elle insiste à se montrer. Et donc, à partir de là, on peut faire l'hypothèse, effectivement, qu'il y a quelque chose de nous qui se joue là-dedans et que et quelque chose qui nous retient et qui, donc, suppose que un désir est pris dans cette image-là. Alors, vous écrivez que les ruines d'aujourd'hui, on parle bien des ruines contemporaines, sont muettes, justement. Alors, c'est de ce dont vous venez de parler. Contrairement à celles qui sont reliées à l'histoire classique, qui, elle, serait associée à un discours qui nous serait beaucoup plus accessible. Et vous vous servez de cette catégorie intellectuelle des ruines pour saisir, en fait, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde, dans notre modernité. C'est bien ça, votre démarche? Alors, oui. Ma démarche, c'est celle d'une critique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que je suis pas du tout, c'est pas un livre d'historienne de l'art, c'est pas non plus un livre de philosophe, même si on peut définir la critique en fait comme l'entame matérialiste de la philosophie, c'est-à-dire comme une des dimensions du travail de la philosophie, mais c'est un livre de critique dans le sens où mon enjeu, c'était de penser l'époque. À partir de cet objet qui est particulièrement, alors mutique effectivement, et particulièrement insistant. Et donc, on peut supposer qu'il se passe quelque chose pour nous avec ça. Alors, on va prendre un exemple dont vous avez parlé il y a un instant, c'est l'île de Hashima au Japon. Donc, c'est une île qui est liée à l'histoire industrielle en fait, hein, de notre monde. C'est un endroit où on a découvert un bassin houiller au 19e siècle et qui est devenu l'un des endroits les plus densément peuplés au monde avant une baisse d'activité minière qui a abouti à la désertification au sens littéral de cet îlot. En 1974, donc, les derniers habitants ont quitté l'île et ce qu'il en reste, eh bien, c'est une sorte de vision post-apocalyptique, d'un monde complètement alors déserté, des ruines en fait de notre temps. La ruine demeure sur cet îlot, mais elle demeure pour l'œil des photographes, puisque Yves Marchand et Romain Meffre ont fait tout un travail sur ces ruines. Alors, pour capturer quoi et qu'est-ce qui s'exprime dans ces ruines qui témoignent aussi de l'évolution de notre mode de vie? Alors, l'île d'Hashima, effectivement, est particulièrement intéressante parce qu'elle est une sorte de laboratoire un peu de la ruine contemporaine. Il y a une espèce de pureté dans la séquence historique où on a une île déserte au début du 19e siècle qui devient une mine complètement bétonnée et avec des densités de population assez médusantes. Et qu'effectivement, au milieu des années 70, tout ça s'interrompt, la liaison maritime s'arrête, et donc on a comme ça un modèle très, très pur de la ruine industrielle. Alors, ce qui est intéressant, puisque moi, ce sur quoi j'ai travaillé, ce sont ces images de la ruine, c'est ce que la culture en fait de cette ruine-là, c'est comment on la consomme culturellement. Et Hashima, ce qui est très intéressant, c'est que on y va prendre des photos. Prenons un exemple à titre de comparaison. Je prends un archéologue du début du XXe siècle, Max von Oppenheim, qui est parti en Assyrie à l'époque et qui a lui aussi produit avec ses équipes de l'image à partir de la ruine assyrienne. Et son geste à cet homme-là, à ce savant allemand, c'est également de prendre des choses. C'est-à-dire qu'il est revenu de Syrie, enfin d'une partie de la Syrie contemporaine, avec des caisses entières de pierres, d'objets. Donc il y avait une prédation sur le réel de l'objet. En revanche, quand Meffre et Marchand, que vous avez cités, qui sont des jeunes photographes français, partent à Détroit ou à Hashima, ils ne rapportent pas des brocs en plastique des cuisines des ouvriers japonais de l'époque, ils ne rapportent pas des petites bicyclettes d'enfants qui ont été abandonnées, ils en prennent de l'image uniquement. Donc, ce que l'image traite, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du déchet. C'est-à-dire des objets dont en fait nous ne ferions rien, qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes, mais qui acquièrent une valeur par l'image. Et ça, je pense que c'est une caractéristique très forte de cette ruine contemporaine qui en signe d'une certaine manière une des particularités par rapport à la ruine antique, par exemple, c'est que cette ruine n'existe qu'exaucée par la photographie. Elle n'a pas d'existence, elle ne devient ruine que par l'image. Alors, une autre ruine traitée dans le travail de ces deux photographes, donc Yves Marchand et Romain Meffre, s'intéresse à la ville de Détroit. C'est un travail qui a été effectué par ces deux Français entre 2005 et 2010. Écoutez cet extrait d'un film que vous connaissez, Only Lovers Left Alive, par Jim Jarmusch. Mmh. Alors voilà ta jungle à toi. Détroit. Tout le monde est parti. C'est quoi ça? C'est l'usine Packard. On y fabriquait les plus belles voitures du monde. Fini. Mais cet endroit se relèvera. Tu crois? Oui. Il y a de l'eau ici. Et quand les villes du sud vont brûler, celle-ci s'épanouira à nouveau. Tu veux voir le musée Motown? Enfin, c'est pas fantastique vu de l'extérieur. Je suis plutôt Stax comme fille, tu sais. Il y a quelque chose que je pourrais te montrer. On n'est pas loin. Là. C'est la maison de Jack White. Ah, oh, j'adore Jack White. Il a grandi là. Ah. Oh. Le petit Jack White. Chouette. Tu sais qu'il est le 7e fils qu'a eu sa mère. Ah, tout s'explique. Et voici le célèbre théâtre du Michigan. Ils l'ont bâti dans les années 20. Il a coûté une fortune. Ironie du sort, il a été construit exactement là où Henry Ford avait conçu son tout premier prototype. Et il pouvait accueillir plus de 4000 personnes. C'est fantastique. Pourquoi? Des concerts? Des concerts, c'était aussi un cinéma, tu te rends compte? Les miroirs reflétaient les lustres. Et aujourd'hui... c'est un parking. Voilà, extrait donc du film de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. C'est donc un dialogue entre deux vampires, interprété à l'écran par Tilda Swinton et Tom Hiddleston, au milieu des ruines de l'ancienne Motor City, Détroit, dont l'activité puis la chute ont grandement inspiré la culture populaire. On entendait une référence à Jack White. On pourrait aussi parler de musiciens d'une autre époque, Iggy Pop and the Stooges, ou du MC5, dont les Larsen de guitare annonçaient la crise dans cette ville qui avait été sujette à des émeutes en 1967. Alors, une ville qui brûle, donc ces émeutes en 1967, Ian Scott, et une ville abandonnée quelques décennies plus tard, ce sont peut-être deux figures de la ruine. Les émeutes urbaines de Détroit, effectivement, des années 60, c'est un moment dans la lente dégradation de la ville. Et c'est vrai que Détroit, c'est vraiment la ville symbolique de la ruine contemporaine. Ce que je trouve très intéressant dans ce passage que vous avez montré, c'est la petite phrase du début où le personnage masculin dit « tout le monde est parti ». C'est très intéressant parce que c'est faux et parce que cette existence de Détroit comme ruine n'existe en vérité qu'à la condition de son dépeuplement. Je vous raconte une petite anecdote qui est très intéressante. Il y a une psychanalyste qui s'appelle Patricia Garovici qui avait une consultation à Philadelphie, dans le ghetto hispanique de la ville, donc quartier particulièrement délabré et pauvre, avec des mendiants partout, des lave-vaisselles. Je crois que vous allez me parler de l'Armée des Douze Singes. Voilà. Exactement. Bravo. Un autre film, donc. Absolument. Un film post-apocalyptique, celui-là. Et un jour, Patricia Garovici se rend à sa consultation et elle s'aperçoit que le quartier est en complète ébullition, que les mendiants ont été chassés, que les murs sont repeints, que les carcasses de voitures ont été évacuées. Et donc, elle se dit, bon, c'est une logique classique de gentrification, après tout. Enfin, pas après tout, mais voilà. Et en vérité, pas du tout. C'est effectivement Terry Gilliam qui tournait un moment de L'Armée des Douze Singes, qui est donc une fiction post-apocalyptique. Et je trouve ça très intéressant, puisque le post-apo, en l'occurrence, c'est que la Terre a été abandonnée, que les hommes n'y vivent plus. Donc il y a bien cet effet de « tout le monde est parti ». Sauf que cette imagerie du post-apocalyptique, on le voit, s'édifie sur l'évacuation du mendiant, c'est-à-dire sur un geste de refoulement, à la fois social et en même temps sur une évacuation en fait de l'humain et sur un lifting du ghetto tel qu'il est déjà en lui-même une ruine. Donc cette anecdote, ce qui est intéressante, c'est qu'elle divise la ruine. Il y a une ruine sous la ruine. Et il y aurait une ruine vécue et une ruine représentée. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est que la ruine représentée n'existe qu'à condition que la ruine vécue soit un peu évacuée pour disparaître du champ de la caméra. C'est un reproche qu'on a pu entendre pour ce film de Jim Jarmusch qui était très esthétisant et qu'effectivement, comme vous le disiez, tout le monde n'était pas vraiment parti de Détroit. Mais c'est en tout cas le parti pré-esthétique qu'avait été le sien. Donc il y aurait cette idée effectivement de ce qu'on pourrait appeler un effet vintage, un effet de mise en perspective d'une vision qu'on attendrait, mais qui serait décorrélée des conditions réelles de la ruine. Et ça, c'est un constat qui a une dimension un petit peu politique, Diane Scott. Oui, c'est-à-dire que on s'aperçoit à cette faille tout d'un coup qui sépare ce gros bloc de ruines contemporaines, que la ruine vient tenir un discours. Elle vient tenir un discours sur l'histoire. Je vais vous citer. Dans votre ouvrage, vous dites qu'il n'est pas exclu que ces ruines jouent le rôle d'une sorte de memento mori du capitalisme. Les signifiants qui structurent ton monde, croissance, emploi, dette, disent-elles, sont périssables. Mais l'assurance de la vanité de ce monde se love au cœur d'une grande esthétisation de la ruine qui en signe en vérité l'immense étendue d'incrédulité qu'il y rattache. C'est le moment où on comprend que nos représentations, les grandes catégories qui structurent notre monde, eh bien, sont peut-être vouées à une fin proche. Et ce moment de la ruine comme objet esthétique, c'est aussi ça que ça nous dit. Alors, quand je disais tout à l'heure que la ruine était mutique, c'est aussi qu'elle parle trop. Et c'est-à-dire qu'on peut lui faire dire énormément de choses. Et donc, effectivement, moi, ce corpus qui est pléthorique de la ruine, ne serait-ce que contemporaine, je lui adresse un certain nombre de questions qui sont, d'une part, celles de la culture, de ce qu'il en est aujourd'hui, de ce champ de bien, de sa nature propre, qui est assez énigmatique, et d'autre part, la question de l'histoire, puisque la ruine se donne un peu comme ça, de façon trop manifeste, comme une image de l'histoire, du passé, d'un passé d'ailleurs dont on voit bien qu'il est extrêmement dépendant de la manière dont on le présente. Hein. Détroit naît du passé, ce passé un peu décadentiste, enfin, dans cette image décadentiste, ça naît du passé qu'à condition qu'on la dépeuple, qu'on la présente comme relevant d'une chose périmée. Et donc ça, c'est effectivement une des hypothèses que je fais, c'est que cette ruine contemporaine, industrielle, post-apocalyptique, elle est solidaire d'un discours de la péremption. C'est-à-dire qu'il s'agit de nommer un certain nombre de choses comme n'ayant plus lieu. Et il me semble que vous faites aussi une analyse, Diane Scott, qui consiste à sortir la ruine de son objet observable pour en faire une catégorie intellectuelle qui nous permettrait de comprendre notre monde. Et je voudrais insister sur un point qui m'a l'air central dans votre analyse, dans votre livre, c'est la question de l'historicité. Finalement, ce que nous dirait la ruine, et vous repérez des manières de faire ruine, à la fois dans le théâtre, à la fois dans la figure qui consiste à répéter certaines figures dans la création du théâtre contemporain, peut-être que vous pourriez en dire un mot, et aussi dans la production cinématographique avec des films comme Blade Runner qui sont pas simplement des suites d'un épisode précédent mais qui se considèrent comme des ce que vous appelez des reboots, c'est-à-dire des façons de réinitialiser en fait le logiciel. Et donc dans cette idée de répétition, de suite, de recommencement, il y aurait traité par la culture la crise de notre historicité. Qu'est-ce que ça veut dire et quelles implications ça peut avoir sur le plan politique notamment? Alors oui, effectivement, la démarche du livre, elle est pas seulement de repérer un certain nombre d'objets qui sont des ruines objectivement et qui sont extrêmement massivement contemplés aujourd'hui et à partir desquels il est possible de produire une interprétation de l'époque. Mais le livre comporte un second volet qui consiste à adjoindre à ce corpus-là des choses qui sont plus hétérogènes, mais que je construis comme des ruines. C'est-à-dire que, d'où le sous-titre du livre « Invention d'un objet critique », je construis la ruine comme un point d'intelligibilisation de l'époque à partir effectivement de cette question de l'histoire. Alors il y a différents objets culturels qui me semblent problématiser cette question de l'histoire. Alors vous avez dit il y a les listes. C'est vrai que après la fin des années 80, au moment où était claironné vous vous souvenez de ce moment quand même très étrange. Fukuyama, j'imagine. Voilà. Fin d'histoire, bien sûr. Où on est énoncé qu'il y a cette assomption historique d'une fin, que nous avons atteint quelque chose qui serait la fin de l'histoire, avec cette conjugaison du capitalisme et de la démocratie parlementaire. Et dans le champ du théâtre public, qui est un lieu qui entretient un rapport à la question politique très particulier, avec une injonction en fait à produire de la cité, se déploie tout à coup, dans ces coordonnées-là, une modalité de raconter l'histoire très particulière, qui est la liste. Et j'ai construit cette figure de liste comme un symptôme. C'est-à-dire comme quelque chose qui est une formation de compromis entre quelque chose qui est interdit et quelque chose qui pour autant insiste. Et on retrouve donc l'idée d'une culture qui devient son propre objet et qui s'auto-référence en réalité. Ce serait ça en fait, la liste. Alors, la liste, d'abord, je la mettrais plutôt en série, par exemple, avec la passion qu'on trouve aujourd'hui dans le jeu vidéo pour la reconstitution historique. Je trouve ça très frappant, cette arrivée d'une espèce de souci du réalisme que vous avez dans des franchises très majoritaires du jeu vidéo ou qui travaillent avec des historiens et qui déploient une méticulosité absolument extraordinaire pour reconstituer des villes, alors au moment de la Révolution française, sous la Renaissance. Et il y a là une appétence pour l'histoire qui est très surprenante et je mets ça en série avec, par exemple, ces listes qu'on trouve dans le théâtre contemporain comme manière de raconter l'histoire où, par exemple, la liste permet de collecter un certain nombre d'objets. Alors, c'est une manière d'être en contact avec un certain récit de l'histoire qui est à la fois très empêché et en même temps insiste le désir de raconter quelque chose et le désir de nommer quelque chose de l'histoire, mais qui est particulièrement corseté. Qui ne trouve plus que ce moyen-là pour s'exprimer, justement. Se donner ces listes, ces répétitions de moments déjà connus, de figures culturelles déjà connues, qu'on met comme ça dans des énumérations. Et pour produire quoi, finalement? Pour essayer de vous parler du rôle politique du théâtre contemporain. Donc, il s'agirait de proposer un récit politique, mais en même temps, vous dites que c'est un récit politique qui est entravé. Alors, absolument. Je pense que cette liste qu'on trouve aussi dans la littérature, par exemple, c'est une formation de compromis entre une sorte de lapsus, finalement, de la fin de l'histoire, qui ne serait pas tout à fait accompli, et en même temps, une indisponibilité des outils pour penser historiquement nos existences. Penser historiquement, ça veut dire dénaturaliser, en fait, l'ordre social. Alors je vais vous citer un. Vous dites « Si l'histoire n'est plus pensée, même plus pensable, que comme identique à elle-même, ne reste à vivre qu'une alternance entre phase de croyance et phase de sarcasme à l'égard d'un système économique et politique sensiblement immuable, dont la seule variable risque de ne plus être que l'accentuation de sa pente autoritaire. » Est-ce que c'est ça le moment que nous sommes en train de vivre? Et est-ce que les ruines disent cela de nous? Ce serait le discours de notre temps, Diane Scott. Alors la ruine me semble être effectivement, c'est une des hypothèses que je formule, pour partie, elle me semble être une figure de fétiche idéologique. C'est-à-dire une figure qui permet de supporter la réalité en tenant à quelque chose qui vient supporter finalement une représentation à partir de son déni. Je prends un exemple que j'ai construit comme une figure de la ruine et qui sera plus parlant. On a tous en tête ces fameux mugs en acier émaillé blanc au liseré bleu qui sont aujourd'hui de nouveau à la mode et qu'on trouve dans les brunchs un peu branchés de la place des Vosges aujourd'hui à Paris ou que vous trouvez de nouveau comme vaisselle pour la classe moyenne en bourgeoisie, disons, des centres-villes européens. Cette vaisselle, au départ, c'est une vaisselle ouvrière qui a été conçue dans les années 20 pour les mineurs du Black Country au Royaume-Uni et qui a pour caractéristique première, évidemment, d'être incassable et d'être extrêmement solide. Et je propose de penser cet objet-là, ce petit mug émaillé, comme un fétiche, c'est-à-dire quelque chose qui tient son existence, de la possibilité d'énoncer deux choses qui sont dans une forme de contradiction et qui dit « je n'existe qu'à la condition de n'être plus ». C'est-à-dire que ce mug, nous en avons du goût parce que précisément il est le produit d'un déplacement social. C'est évidemment pas dans les mugs des mineurs du Black Country que nous buvons dans les brunchs à Paris, c'est dans un objet qui s'est déplacé socialement et qui n'existe qu'à la condition de la disparition de son origine réelle sociale. Écoutez, c'est sur ces remarques comme de ruines, comme fétiches tout à fait passionnantes que nous allons terminer cet entretien. Diane Scott, merci beaucoup. Je rappelle la référence de votre livre « Ruines, invention d'un objet critique » publié cette année aux éditions Amsterdam. La nuit spéciale ruines continue sur France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec « La musique des ruines », une émission de Bastien Gallet réalisée en 2003. Émission qui sera suivie d'un entretien avec Rolre Wyss Borges dans l'émission « À voix nue » au micro de Jean Dève, une émission enregistrée en 1978 dans laquelle l'auteur argentin évoque notamment sa fameuse nouvelle « Les ruines circulaires ». Et enfin, une émission musicale, Les Ruines Romantiques dans Euphonia, une émission de 1989, avant de retrouver Alain Schnapp tout à l'heure aux alentours de 6h45. Merci à vous, Diane Scott. Merci.